voici l'essentiel sur le Castello Ursino à Catane. Alors, ce château sicilien a été construit au XIIIe siècle pour être une forteresse juste au bord de la mer. Mais son histoire, eh bien, elle a été complètement réécrite. Pas par des hommes, mais par un volcan. Premièrement, et c'est sans doute le plus incroyable, sa géographie était totalement retournée. Imaginez bien, à l'origine, il est sur une falaise juste au-dessus de l'eau. Et puis en 1669, grosse éruption de l'Etna. La lave ne l'a pas détruit, non. Elle l'a encerclé, elle a comblé les douves, elle a carrément repoussé la mer de plusieurs centaines de mètres. Du coup, ce château côtier se retrouve aujourd'hui en plein milieu de la ville. Deuxièmement, le château a aussi été un centre névralgique du pouvoir. Vous savez, pendant les grandes révoltes en Sicile, c'est là que le Parlement se réunissait. Il est même devenu la résidence principale des rois de l'île. Bref, le lieu où tout se décidait. Et enfin, sa troisième vie, elle est beaucoup plus sombre. Après avoir été un palais, il était transformé en prison. D'ailleurs, on peut encore voir les traces de cette période. Des centaines de graffitis laissés sur les murs par les prisonniers. C'est assez poignant. Aujourd'hui, bien sûr, il a été restauré et c'est le musée de la ville. Le Castello Ursino n'est donc pas qu'un simple monument, c'est un survivant, littéralement remodelé par la nature et l'histoire.